bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour mon coup de cœur quotidien hebdomadaire. Donc cette semaine, chose promise, chose due, je vais vous parler du manga My Hero Academia, du coup. Donc en fait, c'est un manga de shonen déjà, donc de bagarre, écrit et dessiné par Hokei Horikoshi, désolé pour la prononciation, et il est prépublié depuis juillet 2014 dans le magazine Welki Shonen Jump, donc le magazine de manga quoi. Et pour l'instant, en France, il y a 20 tomes de sortie. Donc la version française, elle est publiée chez Kiton depuis avril 2016 à peu près. Et je parlerai que de la version papier manga, parce que j'ai pas regardé l'anime, hein, ça m'intéresse pas, je regarde pas beaucoup les animes. Donc on parlera que du manga, l'anime ça dégage, on va dire. Donc en fait, c'est l'histoire d'Izuku, un lycéen ordinaire, on va dire. Enfin non, pas ordinaire du coup. Un lycéen qui vit dans un monde où 80% de la population vit avec des sortes de super pouvoirs, ici appelés alter. Donc chaque pouvoir est différent, hein, c'est pas le même pouvoir partout, bref. Et du coup, n'importe qui peut devenir un héros ou un super vilain, un méchant, s'il le souhaite. Donc du coup, Izuku, il rêve de devenir un super héros et tout, super connu. Sauf que, évidemment, c'est pas drôle, sinon il y a une couille dans le potage. Excusez-moi, il y a un problème quelque part. Il a pas d'alter, il a pas de pouvoir. Donc ça va être un peu dur, vous voyez, de devenir super-héros sans pouvoir. Alors que pourtant, il souhaite rentrer dans la plus prestigieuse école de Yui. Désolé pour la prononciation encore une fois. Et devenir un super-héros. Donc ça va être un peu dur, voyez-vous. Donc on suit ses aventures pour voir comment est-ce qu'il va faire un petit peu. Et finalement, espérer réussir à devenir un super grand héros de son époque, un peu à l'image de son héros, Alt Might. Donc voilà, c'est un très bon gars. Donc là, j'ai fait un petit résumé rapide, on va dire, pour ceux que ça intéresserait, de lire ce manga. Du coup, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, et si vous ne voulez pas être spoilé, à baisser le son de votre radio une petite minute ou deux, le temps que je fasse un petit résumé aux personnes à qui ils voudraient pas le voir, on va dire, ou ils auraient pas le temps, parce que dans le cas là, comme ça je leur dis un petit peu la suite, on va, voyez-vous, pour juste qu'ils aient la petite réponse, puis voilà. Bon, quoi qu'il en soit, au revoir aux personnes qui souhaitent le voir ou le regarder ou le lire. Donc pour les personnes qui s'en fichent, je vais quand même vous dire un petit peu la suite. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre ami Izuku, voyez-vous, un jour il va rencontrer All Might, donc son super héros là, on va dire, et en fait, donc ça balle de la paix, et il se rend compte que ce n'est plus l'ombre de lui-même. En réalité, quand il se présente devant les gens, voyez-vous, All Might il fait genre 2 mètres de haut, il a un super sourire et tout, et en fait c'est qu'une sorte de façade. En réalité, c'est un pauvre mec d'1m50, complètement décharné, sans aucun muscle et tout, et en fait c'est une sorte d'alter spécial qui s'appelle One for Might, je ne sais plus le nom, c'est un peu compliqué, on va dire. All for One, voilà, le All for One. Et, et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, vu que de base, lui aussi était son pouvoir, il va le donner à Izuku, son pouvoir. Sauf qu'évidemment, c'est un truc tellement pété, hein, le pouvoir est bien puissant, que même son corps ne peut pas l'encaisser. Genre, si jamais lui donner le pouvoir, son corps explosera en 1000 morceaux. Chose très sympathique, mais vu qu'il faut quand même une histoire, on va pas le faire, c'est pas drôle sinon. Donc du coup, on va faire de la musculation pendant 6-7 mois, l'histoire de rendre son corps bien puissant. Et après, bah, on va lui donner le pouvoir. Sauf qu'il est encore tellement pété qu'il peut ne l'utiliser qu'à peine 10%, hein. 100%, ça littéralement lui briserait tous les os. Vu que c'est pas drôle, on va le faire utiliser qu'à 10%, sauf de rares fois où il va s'énerver bien fort et il va l'utiliser à fond. Évidemment, il va réussir à rentrer à Yui et à devenir un super-héros. Et chose marrante aussi, il va réussir à se mettre une alliance de super-vilains sur le dos. Ce qui va donner lieu à des scènes de combat pas piquées des hannetons, comme dirait l'autre. Et ce qui va être assez drôle d'ailleurs. Ce qui va être assez drôle, voilà. Donc après, on suit toutes ces aventures pour devenir un grand héros, voilà. Bon, pour ceux que ça aurait éventuellement donné l'envie de lire ou de regarder, même en étant un peu spoilé sur le début, on va dire, je vais quand même vous repréciser que ce manga, alors, il y a 20 tomes, il est publié aux éditions Kiton, comment on appelle ça, y a un tome 21 en cours de parution, hein, la série n'est pas finie. Il existe un anime avec pour l'instant 3 saisons, et bientôt une 4e à ce que j'ai compris. Visible sur ADN et des sites de, comme ça. Hein. Et voilà, c'est tout simple. Et du coup, c'est un manga que je vous conseille fortement, évidemment. Je ne vous l'aurais pas présenté, sinon. Voilà. Bon, c'était Aurélien. J'espère, si jamais vous étiez en déj de manga, vous en avoir fait trouver un nouveau, on va dire, de quoi vous occuper un petit moment. Voilà, voilà. Donc, je vous dis une très bonne semaine à vous, je vous souhaite. Et à la semaine prochaine. Au revoir.